destruction de Byzance, qui est comme autant de la destruction du temps. Thank you. something stamping. On n'a jamais tant gémi, tant crié. On n'a jamais. I hear something. Oh, annonciateur de catastrophes. Lui est ruiné. I hear something. Lui est ruiné. Insolite, la mort des enfants. On n'a jamais tant gémi, tant crié. Oh, annonciateur. On n'a jamais. Le pain solitaire, la mort des enfants. La mort des enfants. On n'a jamais tant pleuré. Souffre. Ne le dis surtout pas. Surtout pas. Mais quel cri est ? Ne finir.